grossiste en chaussures de Rachel De Caro, œuvre publiée sous licence Creative Commons BYNC ND 3.0 en lecture libre sur atramenta.net. Enregistré par Christiane Johan. Grossiste en chaussures. Lorsque Anne Lynn reçut son diplôme de baccalauréat technique secrétariat au mois de juin 1976, son père lui fit la grâce de profiter des mois de juillet et d'août pour d'ultimes grandes vacances avant de travailler pour gagner sa vie. Premier jour de septembre, dûment chapitré, Anne Lynn se rendit à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ancêtre antédiluvienne de France Travail, avec son diplôme tout neuf et un curriculum bien vide. À part un stage professionnel au cours de sa scolarité, elle n'avait aucune expérience. Après un rapide regard sur le tableau où s'accrochaient des offres d'emploi rédigées à la main le plus souvent, puis un bref entretien avec un conseiller, et Anne Lynn ressortit au bout d'une demi-heure avec un emploi en poche. Son futur patron avait répondu positivement à l'appel téléphonique de la NPE. Parfait, papa serait content. Anne Lynn n'avait qu'à se préparer à se présenter dès le lendemain pour occuper un poste de sténodactylo chez un grossiste en chaussures. Ce qu'elle fit avec tout le sérieux possible. Elle entra dans la boutique et se présenta. La dame à la caisse ressemblait à une matrone plutôt autoritaire, mais elle lui indiqua seulement de monter à l'étage par un petit escalier en colimaçon jusqu'au bureau de son futur patron, M. Rivalis. Dans la pièce où elle pénétra, il y avait d'abord un petit bureau sur lequel reposait une machine à écrire, électrique quand même, puis dans le fond, un bureau plus grand, encombré de papiers, occupé par un homme d'un certain âge, voire d'un âge certain. Celui-ci la salua et lui proposa de s'asseoir directement sur la chaise à roulettes qui était devant la machine à écrire. Puis il se ravisa et lui demanda de prendre un bloc et un crayon sur le bureau et de venir s'installer devant lui sur une chaise simple. Il s'assura qu'elle serait capable de prendre en sténo le texte qu'il allait lui dicter et il commença à répondre à un client. Puis il poursuivit avec deux autres courriers. Anne Lynn, qui était bonne élève, n'avait pas de peine à suivre le rythme de la parole du patron. Puis il lui fut enjoint de dactylographier ses courriers, avec deux doubles surpelures, une rose et une bleue, papier carbone entre elles, et sous le papier en tête de la société de chaussures en gros. Ce qu'elle fit sans problème, trouvant les papiers nécessaires dans les présentoirs sur le bureau. Elle eut la chance de ne pas avoir à utiliser la gomme ou le blanco qui était dans le tiroir. Puis, elle glissa ses travaux dans le parafeur et présenta son travail au patron. Elle avait eu le temps d'apercevoir sur le bureau de M. Rivalis des blocs avec des listes, dont certaines lignes étaient barrées. Elle comprit d'un regard que le patron n'avait rien d'autre à faire que de les recopier pour éliminer les indications obsolètes et rajouter de nouvelles tâches à ne pas oublier. L'avenir lui confirma son intuition. Avec son affection d'Alzheimer débutante, il en était réduit à subir les ordres de la matrone qui tenait la caisse et qui était son épouse. Celui-ci paraffa d'un seul coup les courriers et enjoignit de dactylographier les adresses sur les enveloppes afin que le commis du magasin, Hervé, les emmène à la poste en même temps que les commandes du jour à affranchir. Le travail du commis consistait à aller chercher dans l'arrière-boutique les quelques produits identiques à ceux exposés dans l'étroite vitrine donnant sur la rue dans les pointures demandées par les clients à Jacqueline, la vendeuse en titre. Pour les commandes par courrier ou par téléphone, il se contentait de les emballer dans des petits cartons. Hervé n'avait pas inventé le fil à couper le beurre, il confondait la traite des blanches avec la retraite des blanches. Ensuite, M. Rivalis emmena Anne Lynn dans la pièce voisine où étaient installés deux bureaux d'inégale grandeur. Le plus important était occupé par une grande femme au strict chignon noir et à la tenue bleu marine, presque un uniforme. Madame de Laplace, comptable de son état, lui fut présentée. Anne Lynn travaillerait avec elle à mi-temps pour la recopie manuscrite sur les grands livres comptables des factures journalières rédigées également de manière manuscrite dans le magasin du rez-de-chaussée. D'ailleurs, elle fut promptement installée pour un essai. Le soir, M. Rivalis confirma à Anneline qu'elle avait réussi son temps d'essai et un contrat d'embauche lui fut donné à signer, ce qu'elle fit sans barguigner. Lorsqu'elle rentra chez elle, la satisfaction de ses parents la récompensa, même si elle se sentait un peu déçue de l'environnement professionnel où elle allait passer beaucoup de temps pour un salaire plutôt miséreux. Ainsi, il ne fallut pas longtemps à Anneline pour découvrir que son travail en comptabilité ne serait pas plus passionnant que le travail en sténodactylo. Elle devait donc inscrire les factures, dont les montants étaient le plus souvent dérisoires, se résumant même très souvent à la facturation d'une seule paire de petits chaussons en peluche pour enfants achetés par un client de province venu à Paris pour d'autres raisons sans doute que cet achat unique auprès d'un grossiste en chaussures. On lui disait que c'était un ancien client, sans doute un vieil ami de M. Rivalis qui venait lui rendre visite par pure courtoisie. Le pire, c'est qu'à l'usage et selon les consignes données par Mme de Laplace, elle devait recalculer les factures parce que la patronne se trompait régulièrement dans ses cumuls, ce qui agaçait prodigieusement la comptable. Celle-ci ne portait pas la patronne dans son cœur et elle en disait pique-pendre lorsqu'elle allait au café d'en face, avec Jacqueline, la vendeuse, boire un demi de bière au comptoir, au coude à coude avec les poivrots du coin. Anneline se demandait comment ensuite Madame de Laplace pouvait prétendre qu'une femme distinguée se doit de porter du bleu marine. Elle était d'ailleurs elle-même toujours vêtue d'élégants chemisiers blancs et d'un strict tailleur marine qui masquait un peu ses formes plantureuses. Cependant, Anneline aimait bien Madame de Laplace, qui avait envers elle davantage de patience que M. Rivalis. Et avec amusement, elle lui avait signalé qu'elle avait une forme de dyslexie à propos du chiffre 9. Lorsque deux chiffres cumulés ou multipliés aboutissaient à ce chiffre, régulièrement, Anneline les inversait. Elle pouvait lire 36 et noter 63, ou bien elle mélangeait 45 et 54, idem pour 80 et 18, 27 et 72. Le plus surprenant, c'est que plus tard, Anneline réalisa que le chiffre 9, seul ou en combinaison, en calculs divers, revenait souvent dans sa vie. Par contre, pour travailler dans la comptabilité, ce n'était pas vraiment compatible. Anneline tint le coup dans cet emploi pendant un an et demi. Puis, elle en trouva un autre, bien plus satisfaisant, bien plus chaussure à son pied. C'est donc sans regret qu'un jour, elle quitta cette petite boîte de chaussures en gros. Ici se termine Grossiste en chaussures de Rachel de Carreau.